bonjour à vous, chers auditeurs de la radio Essanganiro, et bienvenue à l'écoute de ce journal de ce 7 août. Et en voici les grandes articulations. Début ce lundi de l'examen d'État édition 2017 dans tout le pays, avec des retards sur certains établissements scolaires. En province Rumonge, 7 élèves illégalement certifiés, dit le ministère de l'Éducation, ont été rayés de la liste des candidats. 6 personnes sont mortes dans la nuit de ce dimanche à lundi, dont un militaire de la brigade spéciale de protection des institutions et 3 corps retrouvés flottant sur la rivière Ruwa du côté de la province Chibitoke, c'est à l'ouest du Burundi. Plus de 5 000 personnes vivant avec le VIH-SIDA et sous antirétroviraux vont être assistées par le Programme alimentaire mondial, PAM et la Croix-Rouge depuis le mois de juillet à la fin de cette année 2017. Le reportage du jour nous conduit dans le parc national de Ruvubu pour parler du braconnage. Bienvenue dans les détails de ce journal mis en onde par Jean de Dieu Ndeisenga et présenté par Mireille Kanyang. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, page éducation. Pour débuter ce journal, passation dès ce lundi de l'examen d'État édition 2017 sur les centres de la capitale Bujumbura, où la radio Isanganiro est passée dans l'avant-midi de ce lundi. Certains ont commencé à temps, alors que sur d'autres, jusqu'aux environs de 11h, l'examen n'avait pas encore débuté. Placide Niyomungere a fait le tour de la capitale. Voici son reportage. Au lycée Skepelze de Nyakabiga, qui a accueilli l'oreillat des 10 écoles, dont 2 des montagnes surplombant la capitale Bujumbura, la passation de l'examen d'État édition 2017 a débuté à 10h précises. Le président de ce centre nous a signifié qu'aucun problème majeur n'a été enregistré, sauf que 3 à l'oreillat ne se sont pas retrouvés sur les listes. Deonandi Kiyé nous a indiqué que 2 nouveaux numéros ont été attribués à ces derniers afin de passer l'examen comme les autres. Nous sommes au lycée Ngagara. La passation de l'examen commence moyennant un retard. Le président de ce centre explique que ce retard est dû aux opérations d'appel des lauréats qui sont si nombreux à ce centre. De notre départ vers 11h40, les responsables de ce centre vérifient les absences. Même si sur ces centres de Skepelze, Nyakabiga et Ngagara, la passation de l'examen d'État était en cours, au lycée d'Ilak Tanganyika, vers 11h, l'examen n'avait pas encore commencé. Nous avons voulu savoir la raison de ce retard. Les surveillants rencontrés dans la cour nous ont indiqué qu'eux aussi ne sont pas informés, alors que le président de ce centre de passation a promis de s'exprimer après. Cette passation de l'examen d'État édition 2017 qui a débuté ce lundi va être clôturée jeudi le 10 août. Parlons encore de cet examen d'État. 7 élèves du lycée islamique de Rumonge ont été rayés de la liste des candidats à cet examen. Le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a pris cette décision ce vendredi, indique que les concernés avaient été illégalement certifiés, nous rapporte Jean-Pierre Misago. Dans sa correspondance du 4 août courant, adressée au représentant légal du lycée islamique de Rumonge, une correspondance affichée au bureau du directeur communal de l'enseignement à Rumonge, le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé l'annulation des diplômes qui avaient été attribués à Douchimé Ange Christa, Munezero Francine, Irakoze Lionel, Aziza Nassor, Asha Hussein, Nshimihimana Marie Chantal et Kanyange Anita, tous finalistes à cette école, la Nescolaire Coulée, en gestion comptabilité. Par conséquent, ces élèves ne sont pas candidats à l'examen d'État édition 2017. Le ministre Jean-Pierre Ndirahisha indique que suite aux résultats d'une investigation menée à cette école le 2 août courant, il a été constaté que ces élèves ont été diplômés illégalement dans la mesure où les points qui leur ont été attribués sont arbitraires et qu'ils n'ont même pas été réguliers en classe. Une correspondance non affichée, mais signée le même jour par le même ministre, instruit l'ordre au représentant légal de cette école de suspendre et de procéder au remplacement du directeur, du préfet des études, mais aussi le remplacement des enseignants de comptabilité générale de mathématiques financières, gestion financière et droit des assurances par d'autres enseignants plus dignes. En effet, son ministère ne les reconnaît plus, eu égard à leur irresponsabilité et au manquement grave relevé lors de la vérification des copies d'examen du troisième trimestre, des fiches de points et des bulletins de certains élèves. Ces mesures sont prises après que certains élèves de cette école eurent dénoncé plusieurs magouilles lors de la délibération. Jean-Pierre Misago de Firumongue, Radio Isanganiro. Isanganiro. À 13h02 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivant ce journal. Je vous l'avais annoncé, plus de 5000 personnes vivant avec le VIH-SIDA sous traitement antirétroviraux sont assistées par le programme alimentaire mondial PAM en collaboration avec la Croix-Rouge Burundi à travers le pays. Alexis Manirakiza, porte-parole de la Croix-Rouge Burundi, fait savoir que ce projet d'assistance alimentaire se clôture à la fin de cette année et 5 catégories de personnes sont éligibles à cette assistance, ajoute M. Manirakiza, que je vous prie de suivre. Les personnes qui vont bénéficier de cette assistance alimentaire nutritionnelle, c'est un effectif de 5425. C'est réparti sur tout le pays. C'est une distribution qui a déjà commencé dans les 18 provinces qui composent le Burundi. C'est 5 catégories de personnes qui vont bénéficier de cette assistance, qui ont d'ailleurs déjà bénéficié parce que la distribution a commencé déjà avec le mois de juillet. 5 catégories donc sont des personnes qui ont une malnutrition aiguë sévère. La deuxième catégorie sont des personnes qui ont la malnutrition aiguë modérée. Et la troisième catégorie sont les femmes qui sont sous régime PTME. Et la quatrième, ce sont les enfants issus des femmes ou alors des parents qui sont sous régime PTME. La cinquième catégorie et la dernière, ce sont des enfants orphelins que nous appelons communément OEV. Si je peux répartir selon les effectifs qui sont appuyés par catégorie, les malnutris aiguës sévères, ce que nous appelons MAS, ça sera pour un effectif de 620. Pour les gens qui ont la malnutrition aiguë modérée, c'est l'effectif le plus élevé, c'est 2583 personnes. Et pour les femmes qui sont sous régime PTME, c'est 936, un effectif qui vaut aussi pour les enfants, parce que ces enfants sont issus des femmes qui sont sous régime PTME. La cinquième catégorie des OEV, c'est 360. Il faut que je rappelle que toutes ces catégories, toutes ces personnes doivent être sous traitement ARV pour être éligibles. Le projet s'étendra sur quelle période, quels ont été les critères pour déterminer ces catégories que vous allez assister? Les critères sont simples, ce sont des tests qui sont soumis à ces personnes qui ont le VIH-SIDA. Nous passons dans les structures de soins ou alors des structures de prise en charge de ces personnes. Il y a des méthodes que nous appliquons à ces personnes, c'est scientifique et il n'y a pas lieu de se tromper. C'est quelque chose qui se fait depuis juillet de cette année et ça va s'étendre sur toute l'année, du moins le reste de l'année 2017. Alexis Manirakiza, c'est le porte-parole de la Croix-Rouge du Burundi. Sans transition, page sécurité de ce journal. Un militaire du nom de Nishimezue, 38772 de la matricule de la brigade spéciale de protection des institutions, est mort dans la nuit de ce dimanche à lundi. Cette information est confirmée par le porte-parole de l'armée nationale. Le colonel Gaspard Abaratouz a fait savoir que c'était vers 21h30 que ce militaire s'est suicidé avec son propre fusil, sans plus de précision sur le lieu du suicide. Ce militaire originaire de la province Muramvya a été rentré du 2e bataillon de la mission de maintien de la paix en Centrafrique MINUSCA, précise encore le colonel Baratouza. Et en province Chibitoke, 3 cadavres ont été retrouvés le matin de ce lundi flottant sur la rivière Ruhwa dans la commune Rugombo de la province Chibitoke. C'est à la frontière burundo-rwandaise. L'identité de ces cadavres, composés de personnes de sexe masculin, n'est pas encore connue, comme l'indique le chef de zone Rugombo, le commissaire de la police de cette commune. Les deux enfants sont morts vers 20h30 à Munagano de la commune et province Muyinga suite à l'explosion d'une grenade dans le ménage. Dans certains Asman, des sources administratives et militaires à Muyinga indiquent qu'il n'a pas une année, des malfaiteurs avaient attaqué le même ménage, tuant à coups de machette une vache. La piste du crime lié au conflit foncier est privilégiée par les administratifs, affirmant que les enquêtes sont en cours pour tenter de retrouver les criminels. En province Karoo, si un couple composé d'un enseignant et d'une infirmière est au cachot de la police en commune Wuhiga de cette province depuis ce vendredi, ils ont été arrêtés lorsqu'ils étaient au bureau d'état civil pour leur mariage. Témoins de Jéhovah, ils ont refusé de toucher sous le drapeau national pour la conclusion de leur mariage. La police indique qu'ils sont accusés de non-respect du drapeau national. Les détails avec Blaise Pascal Kararumi. Il s'agit d'un enseignant de Wuhiga, du nom de Jean-Paul Ndayishimiye, et une infirmière du nom de Honorine Hachazimana de Muyinga à Mukoni. Les deux jeunes gens ont été arrêtés ce vendredi au bureau communal de Wuhiga de la province Karusi pendant les cérémonies de l'état civil de leur mariage. La police indique avoir arrêté ces deux jeunes gens qui voudraient se marier parce que pendant ces cérémonies d'état civil, devant l'officier d'état civil qui présidait ces cérémonies, ils ont catégoriquement refusé de mettre leurs mains sur le drapeau de la République du Burundi. Elle indique que le chef d'accusation est l'outrage au drapeau de la République du Burundi et que cela est sanctionné par le Code pénal du Burundi. Elle fait savoir que la sanction prévue est d'un emprisonnement de 2 mois à 5 ans et qu'il y a une amende de 10 000 à 50 000 francs ou l'une de ces deux peines. Les sources de leur famille indiquent que ces personnes ont refusé de toucher le drapeau national suite à leur conviction religieuse, signalant qu'il s'agit des adeptes de la religion des témoins de Jéhovah et qu'ils auraient refusé de toucher le drapeau suite à leur croyance religieuse. Et cela est même confirmé par certains des adeptes de cette religion. Le sous-commissariat de police et judiciaire indique que le dossier de ces deux jeunes gens se trouve déjà au niveau du parquet pour instruction. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumie pour la radio Isanganiro. Quittons la province Karusi pour nous rendre en province Muyinga pour parler démographie. Eh bien, le gouverneur de cette province de Muyinga appelle les résidents de sa province à une prise de conscience quant aux conséquences d'une démographie galopante. La province Muyinga est l'une des provinces à forte densité. La densité moyenne est de 460 habitants par kilomètre carré, dépassant la moyenne nationale qui est de 310 habitants par kilomètre carré. Les précisions avec Dieudonné Nzeiman. Les communes de la province de Muyinga dépassant 500 habitants par kilomètre carré sont les communes de Gasogwe avec 589 par kilomètre carré, Gacho qui a sur 1 kilomètre carré 561 habitants et Guiterani d'une densité de 555 habitants par kilomètre carré, 10 mois selon les données actualisées des services d'état civil. La dernière commune est Bouignouza avec 271 habitants par kilomètre carré. La moyenne provinciale est de 468 habitants au kilomètre carré, ce qui est largement supérieur à la moyenne nationale des 310 habitants au kilomètre carré, selon les données du recensement général de 2008. La démographie galopante inquiète les administratifs pour qui les conséquences sont déjà pressenties dans la communauté. Pour Aline Maniavarusha, gouverneur de la province de Muyinga, la population doit en être consciente. Bon nombre de conflits résultent de cette croissance exponentielle de la population. L'une des stratégies pour arriver à cette prise de conscience sont des messages lancés sur la planification familiale. En cette période de vacances, l'un des thèmes développés en faveur des jeunes organisés en camp de travail est la problématique de la croissance démographique. Dieudonné Nzeimana, Dominga pour la radio Isanganiro. Merci à Dieudonné Nzeimana pour tous ces détails. En mairie de Bujumbura, des personnes empruntant l'avenue de l'imprimerie communément appelée Avenue de la Mort, de même que celle qui y exerce différentes activités, demandent que cet endroit soit éclairé, mais aussi que la sécurité y soit renforcée. Ces personnes expliquent qu'il y a des cas de vol qui s'y commettent et les bourreaux ne sont jamais inquiétés. Les détails avec Léonce Vitalihu. Le tronçon le plus menacé sur cette route, dite Avenue de la Mort, s'étend du quartier Nyakabiga 3 vers le pont Nahangwa, le long de la clôture du campus Mutanga à l'Université du Burundi. Cette femme a été victime de vol quand elle est rentrée de son lieu de travail. C'était bien avant 19h du soir. J'ai été attaquée par une personne qui marchait pendant un moment derrière moi. Il m'a fait tomber, il m'a tapé, je ne sais avec quoi, sur l'épaule droite. Au moment même où je me demandais ce qui m'arrivait, il a pris mon sac et il a couru vers Nahangwa. Des sacs à main pour femmes et tout ce qui est dedans sont volés. De l'argent, des téléphones portables et d'autres objets. Des fois même, les bourreaux cherchent à étrangler la victime, comme l'indiquent ses habitants qui exercent leur métier. Tout ce que demandent ces personnes, c'est que la sécurité à cet endroit soit renforcée. La mairie de Bujumbura devrait vraiment veiller à ce que certains coins comme l'avenue dite de la mort soient éclairés. Le souhait, c'est que l'endroit soit éclairé. Ça pourrait aider. Les forces de sécurité avaient essayé, mais comme ces bandits sont vraiment imperméables, ils sont revenus. Mais ces forces de sécurité devraient quand même être multipliées pour mener des patrouilles. Je pense qu'il faudrait aussi multiplier les agents de sécurité. À cet endroit précis de l'avenue de l'imprimerie, dite avenue de la mort, une position policière se trouve à sa jonction avec l'avenue de l'UNESCO, une autre étant du côté du pont Narangwa au boulevard du 28 novembre. À la source, reportage. Place au reportage du jour qui nous conduit dans le parc national de la Ruvubu. Les populations environnantes qui s'adonnaient autrefois au braconnage ont été sensibilisées à la protection de ce parc. Le responsable du parc demande néanmoins l'augmentation du nombre de travailleurs estimé actuellement à 50 pour faire face notamment aux pyromanes. Notre reporter du jour, c'est Francine Ndéokougaï. Ils furent des braconniers du parc national de la Ruvubu. Cet espace protégé a une superficie de 50 800 hectares et dispose de plusieurs espèces d'animaux telles les populations des buffles, des phacochères, hippopotames et crocodiles dans la rivière de la Ruvubu. Les populations environnantes du parc vivaient autrefois de la chasse, mais elles disent qu'aujourd'hui, elles ont compris que le parc doit être protégé. Avant, je faisais du braconnage, mais maintenant, j'ai abandonné parce qu'on a pris des mesures interdisant le braconnage pour ne pas détruire l'environnement. En plus, nous avons été sensibilisés. Je conseillerais les autres de préserver l'environnement et d'abandonner cette pratique qui détruit l'environnement. Murengera est un vieux de plus de 80 ans. Il indique qu'il est sensibilisé à la protection du parc, mais que deux fois, l'envie lui revient malgré les sanctions. J'ai été emprisonné parce que j'ai été attrapé en train de faire le braconnage. Je ne sais pas l'esprit qui m'avait pris, j'avais faim. Je conseillerais les autres d'abandonner le braconnage dans le parc. Balthazar Kanyarchatsi est un ancien braconnier devenu guide touristique. C'est lui qui aide actuellement les autres à comprendre l'importance de couper court au braconnage. Puisque j'ai trouvé de l'emploi, j'ai commencé à rendre témoignage. Jusqu'à présent, nous travaillons en concertation avec les anciens braconniers. Ces derniers sont actifs dans la lutte contre le braconnage. Ils ont déjà compris l'importance de ce parc dans l'avenir. Avec la mise en place des pancartes, nous avions l'impression que c'était contre nos intérêts. Nous avions auparavant fait des manifestations pour détruire ces pancartes. Cette place regorgeait beaucoup de plantations comme les bananiers. Et au cours de la saison sèche, on préférait manger de la viande que des haricots. Le chef du parc national de la Ruvubu, Marc Bakundinwari, se dit satisfait de la collaboration avec la population locale et l'administration pour protéger le parc. Avec l'appui du projet biodiversité qui a été appuyé par le PNID dès l'année 2012, si on regarde le nombre d'infractions observées actuellement par rapport aux années ultérieures, nous voyons qu'il y a une diminution des infractions commises à l'intérieur du parc. Parce que les gens qui auparavant faisaient la chasse avec cet appui du PNID, ils se sont reconvertis et se sont regroupés au niveau des associations et maintenant ils nous accompagnent dans les activités de la conservation du parc. Également, il y a des comités de gestion collinaire qui ont été mis en place et également, ceux qui ont été reconvertis, ils se sont regroupés au niveau des associations et le projet les a appuyés au niveau des AGR et maintenant nous apprécions 10 pas déjà franchis. Bien que le taux du braconnage ait diminué, le parc reste menacé par les feux de brousse. Le chef du parc trouve que les autorités feraient mieux d'augmenter le nombre des employés du parc qui pourraient aider à traquer ces pyromanes. Radio Isanganiro Chronique. Place à la chronique de ce lundi. La course à vélo au Burundi est au niveau très bas par rapport aux autres pays, mais les talents sont là, indique l'entraîneur de l'équipe nationale du cyclisme. Faustin Denzako explique que cela est dû au manque criant du matériel approprié et demande au gouvernement burundais de s'impliquer davantage pour disponibiliser ce matériel, car les athlètes qui pratiquent la course à vélo sont nombreux sur le territoire national. Les détails, c'est dans cette chronique sportive avec Evariste Nzikobanya. Le Burundi regorge beaucoup de cyclistes qui puissent participer dans des courses à vélo, mais ils n'ont pas de moyens pour se procurer du matériel approprié afin qu'ils puissent être au niveau des autres coureurs des pays de la région. Faustin Denzako, l'entraîneur de l'équipe nationale des cyclistes, explique. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du premier pas. C'est un bon pas que nous avons en rapport avec les athlètes, l'administration et un peu d'équipement que nous avons. Le problème que nous avons, c'est les moyens pour organiser beaucoup de compétitions. Vous savez que la course cycliste coûte trop cher. Alors, la fédération a des problèmes pour organiser des courses chaque fin du mois. Les matériels coûtent cher. Pour le moment, le vélo qui coûte en moyenne, c'est à peu près 5 000 €. C'est pas un athlète burundais qui peut acheter ça. Les cyclistes burundais sont capables, selon l'entraîneur de l'équipe nationale du cyclisme. Faustin Denzako s'appuie sur les compétitions internationales dans lesquelles les cyclistes burundais ont participé. Pour moi, ce que je compte à faire, c'est amener l'équipe nationale aux Jeux Olympiques dans les années à venir. Je veux qu'au moins un Burundais ou deux ou trois apparaissent dans des compétitions internationales comme catégorie World Tour, je veux dire des tours mondiales comme le Tour de France, Giro d'Italie. Il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on puisse voir quelqu'un du Burundi arriver là-bas. Alors moi, je suis très motivé. Je vais ramener l'équipe nationale ou former des athlètes burundais à ce qu'on puisse y arriver à faire le Tour de France ou le Giro d'Italie. L'entraîneur de l'équipe nationale de cyclisme trouve que le niveau des cyclistes masculins est trop en arrière par rapport aux autres de la sous-région. Il est cependant satisfait du niveau des cyclistes féminins qui se démarquent au niveau du continent africain. Les filles burundaises sont très fortes que les garçons. La fois passée, il y avait des filles du club de Gihanga qui étaient au championnat. Ils étaient au camp d'entraînement en Égypte. Alors, ils ont eu des bons résultats plus que les autres de l'Afrique. Alors, je compte que les filles burundaises vont beaucoup amener par rapport aux garçons. Les filles burundaises, vraiment, je les encourage beaucoup. Ils sont vraiment très fortes. Faustin Denzako demande cependant au gouvernement burundais de tout faire pour doter des moyens suffisants aux pratiquants de la course à vélo qui les aideraient à renforcer leurs talents afin qu'ils puissent mieux représenter le pays dans des compétitions internationales. Évariste Nzikobanyanga, ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Jean de Dieu Ndeisenga qui en assurait la mise en onde. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.